chez Alfred. Épisode 11, un épisode qui vient un petit peu longtemps après le précédent, qui était d'ailleurs pas mal instructif, j'ai envie de dire, et qui a eu pas mal de réactions, même après, enfin on en a rediscuté, de la forme et du fond, hein. Mais donc c'était un peu fouillis, mais c'était très intéressant d'essayer de faire un premier podcast avec Fred et avec Nico et Sacha. Donc bon, là on est revenu sur un format plus classique, mais on va en refaire régulièrement, j'espère, dès qu'ils sont intéressés par un des sujets, dès qu'ils veulent en parler. Voilà, je suis prêt à les accueillir. Donc voilà. Et donc je voulais m'expliquer sur les durées, enfin sur les raisons du fait qu'il y a eu un petit peu trop de temps entre les deux podcasts. D'ailleurs, je sais pas du tout combien de temps il y a eu. Je crois que c'était avant les vacances le podcast. Donc pourquoi? Et donc ça amène au thème du sujet du podcast d'aujourd'hui, donc la vanité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai parlé un petit peu de ce podcast à plusieurs personnes, à des amis à moi, et donc par vanité en fait, parce que je voulais me la péter. Alors c'est pas un truc de fou ce podcast non plus, mais c'est juste sur leur dire le fait de dire je fais des choses que vous savez pas, un peu en secret comme ça, vous êtes pas au courant. Nous on avait le projet de le faire ensemble, mais bon ça s'est un peu jamais fait, donc je l'ai fait de mon côté et j'ai voulu un petit peu me la péter avec ça. Et du coup je l'ai fait écouter un petit peu à mes amis, et après c'était aussi très intéressant d'avoir leur retour par rapport à ça. Et du coup même ils ont même du coup pu participer, hein. Sacha et Nico sont intervenus dans le dernier podcast. Et voilà, et donc du coup ça m'a fait penser que je pouvais parler de la vanité. Et le fait que j'ai parlé de ce podcast à d'autres gens, ça change un petit peu mon rapport à ce podcast maintenant, parce que je suis plus anonyme du coup, ou pseudonyme, c'est du pseudonymat parce que j'ai un pseudo, donc j'ai plus cette protection de me dire que les gens ne savent pas qui je suis. Je suis écouté par des gens de ma famille. Alors après, je dis pas qu'ils me suivent à chaque fois que je sors un podcast, mais qui peuvent tomber dessus. Des amis à moi aussi qui savent que je fais ce truc-là, donc qui peut-être sont abonnés à mon podcast à iTunes. Donc voilà. Donc c'est compliqué. C'est un petit peu plus compliqué maintenant. Je vais essayer de pas trop me brider par rapport à ce podcast et à essayer de continuer à dire ce que j'ai envie de dire, sans penser à ce qu'on pourrait penser de moi maintenant que des gens savent que c'est moi. Et je vais aussi essayer de pouvoir parler de mes amis ou de ma famille sans avoir peur des conséquences, même si j'ai pas grand chose de méchant à dire sur eux. Mais c'est juste que, enfin, je sais pas si vous... je me confie pas mal dans ce podcast, et l'anonymat me permettait d'avoir une confession plus sereine, en me disant que voilà, je suis un peu tranquille derrière... le voile noir de l'anonymat, et je peux dire plus de choses. Donc voilà, donc je suis reparti dans le podcast quand même, et j'ai décidé de continuer parce que moi ça me fait du bien de le faire aussi. Ça me fait faire des choses. Tout simplement, le fait de faire des choses, c'est... enfin, bon, j'ai mon boulot, etc. Mais le fait de faire des choses qu'on aime plus comme ça, comme les podcasts, la musique et des choses comme ça, c'est valorisant pour l'ego et pour le... je trouve que être humain et pouvoir faire ce qu'on aime, c'est important. Donc voilà. Donc je me suis relancé un petit peu dans les podcasts chez Alfred. En plus, j'ai un peu plus de matos parce qu'en plus, on a prévu d'autres podcasts avec notamment Sacha, Nico et Charlie qui va nous rejoindre dans un nouveau podcast qu'on est en train de préparer là. Donc j'ai un peu plus de matos. J'ai une table de mixage. Attention à droite. Hop, salut les gars. Attention à gauche. Hop, salut les filles. Et donc voilà. Donc on est vraiment au top, quoi. Donc voilà, donc ça m'a donné vraiment envie de continuer et de parler de la vanité. La vanité qui est c'est un péché capital, je crois, la vanité, à vérifier. Qui correspond pas mal à ce siècle, notamment je pense par rapport aux réseaux sociaux, etc., où on est toujours en train de se vendre en quelque sorte, où les gens sont devenus une sorte de marque. Ils doivent se promouvoir leur vie. Alors, est-ce que c'est mal? Oui et non. Disons que ça donne envie aussi de faire des choses. Alors, c'est un contre-coup, enfin, pas un contre-coup, mais il y a des effets positifs à ce truc-là. Bon, c'est pas... Je suis en train de faire un jugement de valeur, c'est terrible, plutôt que d'essayer de vraiment discuter de ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On ouvre Instagram, on ouvre Twitter, on ouvre Facebook, et on regarde ce que font les gens. On s'intéresse à eux, parce que c'est aussi pour ça qu'on est abonné, qu'on les suit, etc., ou qu'on est amis avec eux. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui sortent, on voit des gens qui voyagent, on voit des gens qui s'amusent, qui font des choses, qui vivent des vies incroyables. Et alors des fois, c'est compliqué parce que nous, ça nous ramène à notre propre vie, à notre propre quotidien où bah voilà, on sort pas autant, on n'est pas dans des super soirées chic à Paris ou en train de voyager à l'autre bout du monde. Donc pour ça, c'est un petit peu... Et le problème, c'est que ça, c'est de la mise en scène, en fait. Donc, cette mise en scène-là, elle nous met face à... Elle nous met mal, alors que, voilà, c'est quelque chose de calculé, et puis on a l'impression que tout le monde fait des choses incroyables. Alors qu'en fait, sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram, on suit une 15, 20, 30, 40, 50 personnes, et qu'on voit, en fait, qu'une poignée qui fait des choses... Alors, certes, bien sûr, ils font des choses et c'est tant mieux pour eux, hein. Mais sur Twitter par exemple, quand on ne tweet pas, on n'existe pas. Quand on tweet, on existe, donc on fait des choses. Et donc du coup, nous on ne voit que les gens qui ont des choses à dire. Et souvent, il y a très peu de gens qui postent « je me fais chier chez moi, je regarde Netflix ». Ou alors il y a un petit verre de champagne, une petite photo Instagram, genre je suis posé quoi. Donc voilà, c'est... Ce truc-là de se dire, du coup, on est devenu notre propre marque. On est là à promouvoir un peu sa vie auprès des autres, en fait. Et c'est devenu un petit peu ça, malheureusement, tous ces réseaux sociaux. C'est devenu un petit peu trop ça. C'est devenu un petit peu trop regardez ce que je fais, regardez comme je suis intéressant. Et c'est pas des choses... regardez comme ma vie est intéressante. Et tout ça, c'est un peu construit, c'est dommage. Parce qu'on n'a pas vraiment l'image de ce que... Enfin, leur réflexion par rapport à des choses intéressantes plutôt que... Et ça, ce serait plus... Je me souviens des débuts de Facebook, par exemple, où c'était plus... On avait nos amis proches, on mettait des photos de soirée, ça servait d'une sorte d'album de notre vie où on pouvait mettre des choses, voir ce que les gens faisaient, mais il n'y avait pas de tri, par exemple. Moi, je me souviens, je balançais des photos de soirée ou de... d'événements où je mettais... Alors, j'évitais celles qui étaient floues, celles qui étaient moches, ou mal cadrées, etc., etc., mais je me mettais un petit peu n'importe quoi, je m'en fous si c'est celle-là, j'avais une sale gueule, sur l'autre, celle-là où était en train de vomir, enfin, bon, pas beaucoup des soirs où des gens vomissent, mais voilà, on mettait ça comme ça, et aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est filtré, tout est retouché, tout est... Moi, le premier, attention, hein, j'ai mis des photos de mon mariage, c'est les plus belles photos, je mets pas moi en pyjama, les cheveux en vrac, etc. sur Facebook. Hein. Bon, maintenant, il s'avère que je mets plus grand chose sur Facebook. Parce que, bah voilà, j'ai beaucoup trop d'amis, et notamment des gens que je connais très peu, donc j'ai pas envie de mettre grand chose. Mais donc, et ce truc-là crée une espèce d'ambiance particulière, où on se sent presque des fois obligé d'essayer de faire des choses intéressantes pour qu'on puisse après le publier quelque part. Et je sais pas si c'est très sain. Et en même temps, je voulais parler justement du contre-coup, c'est que, en même temps, de voir tous ces gens qui ont une vie sympa, parce que c'est quand même super cool de voyager, c'est quand même super cool de sortir le soir, et on pourrait se dire, c'est vrai, pourquoi est-ce que moi je suis dans mon canapé à me faire chier devant Joséphine Ange Gardien. Et donc, ça peut pousser aussi les gens à faire des choses. Pas forcément pour, après, le mettre sur Instagram, mais ça peut être un moteur qui nous pousse à faire des choses, qui nous pousse à sortir un peu de notre zone de confort et à voyager. Donc, louer soit les réseaux sociaux, essayons de nous créer une vie sympa, cool, pas forcément pour les autres, mais au moins déjà pour nous, parce que c'est cool de faire des choses nouvelles, c'est cool d'essayer des choses, et je dis pourquoi pas. Moi, ce podcast-là, je le fais pour moi, et pour les autres aussi. J'aime bien le fait de le faire et de pouvoir me la péter en le faisant, même si c'est pas, je suis pas Cyprien ou Norman avec 1 million ou 8 millions de gens qui me suivent. Mais je veux dire, une dizaine de personnes qui me suivent, ça me fait plaisir. Et voilà, et le fait de le faire, c'est cool pour moi. Donc j'en tire de la satisfaction aussi. J'ai envie de me la péter des fois avec ce truc-là. Et c'est pas grave. Si ça peut me permettre de le faire, je me force pas à faire des choses, en fait. Le hic dans tout ce truc-là, ce serait de se forcer à faire quelque chose pour pouvoir, après, s'en vanter sur les réseaux sociaux. Quelque chose qui ne nous plaît pas forcément. Pour après se maquiller, pour prendre une belle selfie, puis après se recoucher. Donc je crois que c'est là un petit peu la limite de ce truc-là. L'idée, c'est de dire méfiez-vous de tous ces gens qui postent parce qu'une photo Instagram, c'est petit, on voit pas tout ce qu'il y a autour, on voit pas ce que les gens veulent pas qu'on voit, on voit que ce qu'ils mettent en scène avec des jolis filtres pour faire des belles photos. Voilà, donc méfiez-vous, mais ne restez pas pour autant dans votre petit quotidien. Essayez de faire des choses, essayez de sortir, de vous dire tiens, cette photo elle est belle, j'ai vu ce truc là, je suis sorti un matin et il y avait cette brume, je vais prendre une photo, je vais la mettre sur Instagram, voilà, oui, bah ça fera un joli souvenir. Vous pouvez vous la péter un petit peu, mais en même temps vous avez fait quelque chose de cool. Donc je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que la vanité, c'est un moteur pour pas mal de gens, notamment pour des artistes par exemple, parce que dans le fait d'être un artiste, il y a cette vanité qui est là. Et je ferai d'ailleurs un podcast peut-être plus précis sur ce que c'est d'être un artiste aujourd'hui, ou en tout cas un créateur. Je pense que n'importe quel créateur est quelqu'un d'assez vaniteux, ou en tout cas quelqu'un qui a besoin de la reconnaissance des autres. Donc ça peut être un moteur. Donc ne prenez pas ça non plus comme un grand mal. Si ça peut vous aider à faire des choses. Voilà, donc c'est un petit podcast, il fait 12 minutes quand même, donc c'est juste pour me relancer un petit peu dans ce truc-là, dire que chez Alfred ça continue, et j'ai encore plein d'idées que je vais essayer d'approfondir, et pour vous en parler. Et n'hésitez pas à réagir par rapport à ça, et puis quitte à faire des réponses dans les autres podcasts. Donc sur ce, je vous dis bye bye, et je vous fais plein de gros bisous, et puis on se revoit très bientôt dans un nouveau podcast.